Bonjour et bienvenue dans l'émission mensuelle de l'association La Boussole. Aujourd'hui, nous allons vous présenter nos activités durant la saison 2017-2018. Une grande partie des membres de l'association La Boussole sont dans les studios, donc je vais commencer par vous les présenter. Donc bonjour à Léa, membre de l'association La Boussole. Anaïs est aussi présente parmi nous, bonjour. Bonjour. Thomas, nouveau membre de l'association La Boussole qui est aussi avec nous. Bonjour. Et enfin Manu. Bonjour. On salue également Julie qui est dans les studios et qui nous accompagne. Donc comme je le disais, on va profiter de cette émission pour faire un peu un rappel de notre association et surtout des actions qui vont être mises en place durant la saison 2017-2018. Certaines d'entre elles ont déjà commencé. Donc on va vous expliquer un peu ce qu'on présente, pourquoi on le fait, comment on le fait, où est-ce que ça se passe. C'est à la fois une émission pour informer sur nos actions, mais aussi s'il y a des travailleurs sociaux ou des personnes qui écoutent, de pouvoir nous orienter des personnes sur la plupart de nos activités. Donc on va commencer tout de suite par vous faire un petit rappel de notre association, l'association La Boussole, qui avant était un collectif, vous expliquer un petit peu ce que l'on fait. Et pour ça, je vais passer la parole à Manu pour nous présenter un petit peu tout ça et on réagira à ta présentation. Ok. Bah, effectivement, c'est vrai qu'on s'est monté il y a quelques années. Donc toi, Cyril, tu étais présent depuis un petit moment maintenant. On a démarré avec une identité de collectif. Depuis 2008, il me semble. Depuis 2008, ouais, c'est ça. En fait, ce qui nous a fédérés, c'est vraiment un projet sportif, un projet foot. On a pu faire le constat, du coup, à l'époque, que beaucoup de projets naissaient dans les structures de manière individuelle. Et finalement, il y avait très peu de gens qui participaient. Donc, c'était un peu dommage. Et du coup, l'idée est venue de mutualiser les moyens. Il y a une rencontre qui a été effectuée. Du coup, on s'est rencontrés, je crois, c'était 11 travailleurs sociaux de différentes structures. Donc, ça rassemblait 7 associations. Voilà, c'est ce qui est un peu, excuse-moi de te couper, ce qui est un peu spécifique dans notre association collective, c'est ce qu'on est chacun des travailleurs sociaux dans des structures, soit des centres d'hébergement, soit des structures qui accompagnent des personnes au quotidien sans forcément proposer de l'hébergement. Mmh. Et c'est un ensemble de ces différents travailleurs sociaux qui se sont réunis en collectif. Et d'ailleurs, je crois que c'est un peu l'une des premières en France, si je ne me trompe pas. Alors ça, ouais, je ne pourrais pas dire, mais effectivement, par contre, c'était assez nouveau, puisqu'on a quand même été sollicité par les centres de formation. Enfin voilà, c'était assez innovant dans la pratique, en tout cas dans nos structures. Et ce qui est important de dire, effectivement, il n'y a pas de salariés dans l'association. On est tous travailleurs sociaux ou salariés d'autres associations, puisqu'il y a aussi des éducateurs sportifs adaptés. Il y a des animateurs qui font partie de l'association maintenant. Et on essaye de mettre en avant la participation des personnes accompagnées, qu'elles soient suivies socialement, ça c'est la base. Maintenant, de différentes manières. Ça peut être des gens qui sont hébergés dans des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, où Thomas travaille, Anaïs aussi. Ça peut être des personnes qui sont hébergées en centre d'hébergement de réinsertion sociale, ou alors des personnes qui sont simplement suivies par le pôle RSA ou des suivies par Chorus, du coup, qui accompagnent des personnes qui sont dans la rue. On a dans nos activités des personnes qui malheureusement sont encore dehors, mais qui viennent bénéficier en tout cas de nos activités. Ça, c'est important de le dire. Et notre travail à nous, c'est vraiment d'accompagner ces gens vers du mieux. Et tout ce qu'on peut proposer dans nos activités, ça va être de travailler sur le bien-être. C'est l'objectif principal de l'association, c'est l'accès au sport, à la culture et à la citoyenneté pour les plus précaires. C'est ça l'objectif principal de notre association. Et pour arriver à cet objectif, l'idée, c'est aussi de mutualiser nos moyens. C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux aspects, à la fois l'accès à la culture, le sport et la citoyenneté, mais aussi pour faciliter cet accès-là, on a fait le choix de se mutualiser entre travailleurs sociaux, comme tu le disais tout à l'heure, avec aujourd'hui des éducateurs spécialisés, des assistants sociaux, des animateurs, des moniteurs éducateurs. Et l'idée, c'est de mutualiser nos moyens, c'est-à-dire les moyens humains, matériels et financiers. Quand on a besoin de faire une action, on va pouvoir emprunter le véhicule de telle association ou pouvoir bénéficier d'un soutien de personnes physiques sur une action. Et plutôt que chacun fasse son activité dans sa structure, l'idée, c'est de pouvoir le proposer à tout le monde. Et comme tu le disais tout à l'heure, sur nos activités, on a des personnes qui sont encore à la rue, des personnes qui sont en demande d'asile, des personnes qui sortent de détention. La seule chose que l'on demande, c'est de pouvoir qu'il puisse y avoir un lien avec un travailleur social. C'est-à-dire que les personnes qui viennent dans nos activités, elles puissent être orientées par un travailleur social. Ça peut être un travailleur social du SME social, un travailleur social du pôle RSA ou autre. Donc voilà, s'il y a des travailleurs sociaux qui nous écoutent, qui travaillent avec des personnes en situation de précarité, sachez que notre association peut proposer des activités gratuites. C'est-à-dire que c'est un accès gratuit aux personnes. et on essaye même de s'organiser pour le déplacement. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter. Aujourd'hui, vous avez plusieurs moyens de nous contacter, soit via Facebook, soit vous tapez Association La Boussole, soit sur le mail laboussoledusud@gmail.com. C'est ça. Et ce qu'on peut aussi dire, c'est que bah voilà, on a un travail nous d'accompagnement. Enfin, j'ai donné un exemple pour que ce soit concret pour les personnes qui nous écoutent. Par exemple, pour l'atelier théâtre, on travaille avec une comédienne qui est, voilà, c'est pas son métier, le travailleur social, elle est comédienne. On oriente les gens vers cette personne. Et moi, je fais un lien au niveau de la logistique. C'est-à-dire que s'il y a des soucis, s'il y a des choses à aborder avec les personnes qui sont accompagnées ou à reprendre par rapport au travail de groupe, parce que c'est quand même un gros travail d'accompagnement, et voilà, on est là, on est sollicité, on rencontre les travailleurs sociaux en lien avec les personnes et tout ça, ça amène vraiment à ce que les personnes puissent bénéficier de ces activités. On se rend compte que si on les laisse seules, elles viennent et si ça se passe mal, elles partent. Alors que si on fait du lien, c'est un travail de lien vraiment qu'on fait avec les travailleurs sociaux, on peut essayer, nous, d'apporter vraiment un petit bonus quoi, pour que ces personnes puissent bénéficier de ces activités. C'est ça qui est important aussi dans ce qu'on propose. Oui, de garder le lien. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement juste faire une activité, c'est aussi derrière faire un retour aux travailleurs sociaux qui accompagnent les personnes. D'ailleurs, on sollicite beaucoup aussi le fait que les travailleurs sociaux puissent accompagner les personnes lors des activités pour qu'elles puissent voir d'elles-mêmes un peu ce qu'on peut faire, et souvent quand elles se présentent sur nos activités, ça leur donne envie de continuer à accompagner les personnes. Est-ce que Léa, Naïs, Thomas, quelque chose à réagir sur vous êtes depuis pas longtemps non plus dans le collectif, est-ce qu'il y a des choses, des éléments à apporter par rapport à ça, sur ce qu'on peut dire, même si je vous prends un petit peu au dépourvu? Oui, alors moi j'ai bien rajouté... Léa qui est présente depuis déjà quelques années. 2 ans déjà. Voilà, 2 ans, ouais. Donc moi j'ai animé l'atelier du footing, et ce qui était important dans l'accompagnement des personnes, c'était d'avoir un référent en fait, un travailleur social qui pouvait donner des éléments plus au niveau de la santé par exemple des personnes qui participaient, parce que voilà, on demande quand même un effort physique même si ça reste du sport adapté, et le lien reste important dans la continuité de l'activité en fait. Oui, et puis c'est aussi ça un peu l'objectif des activités, c'est-à-dire qu'au-delà de proposer un accès à la culture, au sport, à la citoyenneté, c'est aussi qu'à un moment donné, dans chacun de ces domaines, que la personne vienne se confronter parfois des limites. Tu parlais de la santé, c'est vrai que nos activités, alors souvent, personne se dit « ouais, c'est bien, il va jouer au foot, il va courir », bon, ok, très bien, mais ce que ça apporte derrière concrètement, c'est qu'on a des personnes qui... Voilà, qui peut venir sur une activité footing et qui se rendent compte, en fait, ça fait des années qu'elle n'a pas fait de sport et qu'à un moment donné, elle commence à courir 200 mètres, elle voit qu'elle est essoufflée, qu'elle n'en peut plus. Ça lui permet d'avoir aussi un retour elle-même sur son propre état. Notre activité, elle peut servir de passerelle et même d'accès aux soins. C'est-à-dire que des personnes qui vont être dans des structures qui ne vont pas forcément être dans de l'accès aux soins, et le fait de venir sur une activité sportive où elle touche un peu ses limites physiques, ça peut lui donner envie ensuite d'aller vers du soin. Les personnes qui participent à nos activités sportives, on les sollicite, elles doivent avoir un certificat médical. Donc ça aussi, ça a permis à des personnes, et ça a aidé parfois même le référent, à prendre un contact avec un médecin pour pouvoir avoir un certificat médical. Donc il y a aussi toutes ces petites nuances dans la plupart de nos activités. Il y a un côté activité, on est là pour s'amuser, se changer les esprits, et que ce soit un peu une parenthèse du quotidien. Mais on essaye aussi de travailler des nuances et de rattacher ces activités au parcours des personnes. On a des personnes qui, dans leur suivi, ne répondent pas forcément aux sollicitations de leurs travailleurs sociaux ou autres, et qui viennent régulièrement sur nos activités. Donc notre activité permet de créer un lien qui... Ensuite, nous, on doit faire le travail de faire en sorte que la personne, elle rattache auprès de son travailleur social ou de l'organisme qui le suit, ou de son parcours, tout simplement, en lui disant « Regarde, sur telle activité, tu arrives à être présent, tu arrives à être là, tu arrives à t'investir. » Donc l'idée, c'est d'arriver à transposer ça sur ta vie au quotidien. Et on peut dire qu'on a vu des... Excuse-moi Léa, je t'ai coupé la parole, je te le redonne juste après. On a pu s'apercevoir aussi qu'à un moment donné, il y a des résultats. C'est-à-dire qu'on voit qu'on a des exemples de personnes pour qui ça a permis d'avancer. Alors, il y en a pour qui on ne sait pas forcément aujourd'hui où ils en sont. Peut-être qu'ils ont replongé, j'en sais rien. Mais on a pu faire ce constat-là. Et c'est bien pour ça qu'on continue. Bah, on a plusieurs exemples. Hein. C'est sûr que ce soit à travers le théâtre ou le... Ouais, excuse-moi, Léa, je te connais. Non, mais c'est pas grave. Ouais, non, parce qu'on parle d'exemples, c'est vrai qu'on en a quelques-uns concrets, quoi, que ce soit tolérante. Dans le théâtre ou à travers la culture ou le sport, où des gens... Bah, le foot, ce qui est intéressant, c'est que les gens reviennent. Mais certains partent dans des clubs ensuite, quoi. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans un processus d'insertion aussi par ce biais-là. Ou au théâtre, des gens bah, qui ont participé aux activités de théâtre partent maintenant aussi sur du milieu ordinaire et font des ateliers avec d'autres associations. Du coup, on fait l'inclusion sociale aussi par ce biais-là. C'est ça aussi un peu l'objectif de nos démarches. C'est d'être un tremplin un petit peu. Léa, on t'a coupé la parole. Vas-y, je reprends donc la parole. Non, je voulais rebondir sur ce que tu disais, Cyril, de l'idée que les gens en participant aux activités se rendent compte de leurs limites parfois physiques et ça leur permet d'accéder aux soins. Et au contraire, c'est aussi un moyen de se rendre compte de leurs capacités, en fait. Des gens qui ne se sentent pas capables parfois de participer, par exemple, aux ateliers au footing, aux entraînements du footing, par exemple, et qui, en fait, se rendent compte qu'ils sont capables d'énormément d'efforts et qui vont très loin, en fait, dans les activités. Et je pense notamment à un monsieur là qui a participé à chaque entraînement tout au long de l'année dernière et qui au final a participé même au marathon de Montpellier en relais et qui s'est donné vraiment jusqu'au bout. Et voilà, donc c'est aussi un moyen de participer à ces activités, de reprendre confiance et de... C'est savoir qu'on est capable de faire des choses, de se dépasser, c'est ça. Ouais. Et tout ce qu'on peut faire à travers les activités, c'est des choses qu'on peut faire à travers la vie quoi, aussi. Quoi. Oui, et puis plus spécifiquement pour si on a des travailleurs sociaux qui nous écoutent, c'est aussi un sacré outil dans le lien qu'on peut avoir avec les personnes. C'est-à-dire qu'à la fois, comme tu dis Léa, nous aussi, ça nous permet de faire un constat sur l'état des personnes et d'être souvent surpris sur ce qu'elles peuvent faire. Moi aussi, j'ai l'exemple de personnes au foot qui arrivent des fois où on a un peu peur quand on les voit arriver dans l'état dans lequel ils sont. On se dit, oh là, mais il va courir 100 mètres, il va mourir. Et en fait, on est bien plus surpris que ça. On voit que les personnes font appel à des ressources auxquelles nous-mêmes, on n'aurait pas imaginé. Et ce qui est surtout important, si les travailleurs sociaux nous écoutent, voilà, c'est le lien que ça permet de créer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le fait de se... Parce que nous, on participe aussi aux activités. On vous expliquera tout à l'heure un petit peu dans la présentation des activités qu'on fait. On n'est pas forcément que dans une fonction d'encadrement. On participe aussi, on court avec les gens, on joue au foot avec les gens, on peut faire du théâtre avec les gens, enfin... On s'investit. Et le fait de participer à ça, ça permet de créer un autre lien. Moi, je le vois personnellement quand je me retrouve sur un terrain de foot avec des personnes ou peut-être que dans le quotidien, je vais les vouvoyer ou être dans une relation éducateur avec référent. Là, on est sur un terrain de foot. On est tous les deux en train de se dépenser. On est en difficulté, on s'encourage. Et tout ça, ça crée vraiment du lien. Et derrière, pour travailler avec les personnes, ça simplifie quand même beaucoup de choses parce que ça crée de la confiance. Alors ça, c'est un point de vue personnel. Je trouve que les travailleurs sociaux n'accordent pas assez d'intérêt à ça. Et c'est bien dommage, parce que ça crée vraiment du lien et c'est ce qui permet ensuite de travailler plus en confiance avec les personnes. Donc, voilà. C'est ça, c'est quand tu parlais tout à l'heure de pratiques innovantes, on est un peu là-dedans. C'est-à-dire que ça nous est arrivé d'être interpellés par les centres de formation locaux à Montpellier, les CMEA, l'IRTS. Parce que justement, on essayait de mettre en avant et on faisait intervenir aussi les personnes qui participent aux ateliers. On les faisait témoigner sur ce qu'ils vivaient, ce que ça leur apportait. Et c'est vrai que c'est important dans nos pratiques de pouvoir mettre ça en avant et que on n'est pas juste là pour accompagner la personne derrière un bureau. Oui, on a des missions, on répond à des missions quand on fait nos activités aussi, parce que ça rentre dans le cadre de nos missions, nos travailleurs sociaux, au sein de nos structures. Mais c'est vraiment un plus aussi dans la relation, comme tu disais, où les gens, tu les côtoies d'une manière différente, tu as une relation différente avec eux aussi. Du coup, tu as une relation de confiance qui se crée, qui se développe. Et je pense que ça soutient vraiment la démarche d'accompagnement social qu'on doit mettre en place dans les structures. Ça nous paraît indispensable. Voilà, c'est-à-dire que, en tant que membre de l'association, j'allais dire du collectif, en tant que membre de l'association La Boussole, c'est aussi notre philosophie. Quoi. Voilà, si des travailleurs sociaux sont intéressés et sont dans cette même philosophie, ils sont bienvenus. Ça m'intéressait aussi un petit point un peu plus technique avant de passer à la présentation un peu des activités. Être conscient que, comme le disait Manu, on fait ça sur notre temps de travail, mais on fait aussi beaucoup ça sur du temps bénévole et que on peut aussi avoir des inégalités entre nous dans le temps qui nous est mis à disposition. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on est chacun un peu dans une négociation, on va dire, en interne avec nos structures pour pouvoir avoir du temps de travail disponible pour la boussole. Et là-dessus, malheureusement, on n'arrive pas à avoir la même équité, ce qui renvoie un peu à ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas pour toutes les structures et pour tous les travailleurs sociaux que c'est très important de créer ce lien autour des activités. Donc voilà, donc on passe aussi beaucoup de temps bénévole. C'est ce qui a d'ailleurs amené aussi au fait qu'on se monte en association. Ouais. Mais voilà, ça fait aussi partie de notre... je ne sais pas si c'est philosophie, mais c'est aussi un peu état d'esprit. C'est-à-dire que les membres du collectif La Boussole sont conscients aussi que ça peut arriver qu'il y ait du temps bénévole passé sur La Boussole. C'est une notion d'engagement, quoi. C'est une notion d'engagement, voilà. Après, exactement. Effectivement, on essaye de négocier au sein de nos associations. Chaque salarié dépend de sa structure, négocier avec sa direction. Maintenant, le fait qu'on soit actuellement en association, on a quand même du temps qui nous est mis à disposition. Maintenant, effectivement, ce n'est pas équitable pour tout le monde. Mais c'est vrai que notre fonctionnement est assez atypique. Donc, c'est des choses qu'on essaie de réguler. Voilà, on va solliciter nos directions bientôt. On fera une assemblée générale. Donc, on invitera nos directions, puis les participants, d'ici la fin de l'année. Mais c'est des choses qu'on discute et qu'on essaie de réguler, quoi, au fur et à mesure. Peut-être Thomas qui vient d'arriver aussi sur, et Anaïs qui vient d'arriver sur l'association. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Oui, moi j'ai un regard extérieur sur la structure et ce qui m'a touché, c'est justement cet engagement et le fait que ce ne soit pas une commande institutionnelle. Ouais. En fait, c'est parti vraiment d'un constat de terrain apparemment où les personnes n'étaient pas vraiment fidélisées sur des activités. Et puis donc il y avait cette notion d'accompagnement, d'accompagner sur l'activité. Ensuite, voilà, vraiment, en fait, c'est les travailleurs sociaux, j'ai l'impression qu'ils se sont dit, avec le public qu'on accompagne, c'est bien de mutualiser, c'est bien de mixer aussi, qu'il n'y ait pas que des étrangers qui soient reçus sur une activité, qu'il n'y ait pas que des personnes à la rue. Et du coup, je trouve que ça part de la base, en fait, c'est très intéressant, en fait. Donc après, voilà, à négocier avec les structures, etc., ouais, sur le temps qui peut être détaché de chaque c'est salarié. Mais dans tous les cas, il y a un sens et il y a un intérêt, parce que ça vient du terrain, quoi. Ouais. Donc, ouais, c'est ça. Puis chacun donne ce qu'il peut donner aussi en fonction de ses possibilités, quoi. C'est ça aussi qui est important dans la démarche d'adhérer au projet associatif de notre association, là, La Boussole. Anaïs, tu voulais dire quelque chose ou... Moi, ce que je trouvais intéressant, c'est vrai que c'était compliqué. En fait, on peut orienter les personnes vers des associations extérieures pour leur proposer des activités, mais il manquait ce lien qui était fait avec le travailleur social référent et du coup, pouvoir avoir un retour là-dessus. Et donc, ce que je trouve intéressant avec La Boussole, c'est que voilà, c'est en lien avec le projet personnalisé des personnes. Enfin, on essaie en tout cas que ce le soit. Et voilà, c'est intéressant pour le travail d'accompagnement. D'accord. C'est vrai que c'est intéressant aussi pour, à la fois pour les personnes qu'on accompagne, mais aussi pour les travailleurs sociaux. Ça nous permet de nous connaître entre nous, de créer un lien un peu plus étroit entre institutions. De fédérer, ouais. Et du coup, voilà, de trouver aussi des ressources un peu pour répondre aux besoins des personnes qu'on accompagne. C'est vrai que se connaître entre travailleurs sociaux, connaître nos structures un peu plus aussi, ça nous permet de coller un peu plus au projet des gens qu'on accompagne, quoi, et de les orienter au mieux aussi. Ouais, c'est sûr. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on développe des partenariats. Et quand même, je ne sais plus si je l'ai dit, mais tous nos projets sont subventionnés ou en partenariat, je crois que on rentrera dans le détail tout à l'heure de chaque projet. D'accord. Mais moi, je pense qu'on a bien fait le tour sur ce qui était sur la présentation de l'association. C'est vrai que je reviens à ce que tu dis, Léa, le fait de connaître les structures, parce que on a plutôt tendance dans le social à être un peu chacun dans son coin. Et notre association permet aussi à chacun de découvrir les autres structures. Donc voilà en tout cas toutes ces informations. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours trouver ça sur Internet et nous contacter via Facebook ou sur le mail laboussoledusud@gmail.com. On va faire une petite pause musicale et on reviendra ensuite à vous présenter clairement les activités pour la saison 2017-2018. Et en attendant, on va écouter Toute Sainte de Metals. I'm De retour dans l'émission de l'association La Boussole, après ce très bon son de Toots and the Metals. Donc on est là aujourd'hui pour vous présenter nos activités sur la saison 2017-2018. J'en profite pour remercier de nouveau Radio Clapas de nous accueillir sur les ondes au 93.5. Le site de Radio Clapas, vous pourrez retrouver tous nos podcasts depuis maintenant plus de 2 ans, donc sur radioclapas.fr. Et d'ailleurs, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, dans la présentation des activités. On va vous faire un peu, d'abord la présentation des activités qu'on appelle pérennes, c'est-à-dire les activités qui ont lieu toute l'année et les activités plus ponctuelles. Et donc, la première d'entre elles, c'est là où nous sommes aujourd'hui, c'est Radio Clapas, qui nous accueille donc depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Donc, 3 ans maintenant, voilà. Donc pour les auditeurs qui ont l'habitude de nous écouter, vous savez pourquoi on est là. Pour les autres, en gros, on s'est intéressé à avoir un projet radio pour donner la parole aux personnes qu'on accompagne, tout simplement. Mais pas dans un objectif qu'elles viennent forcément témoigner de leur vécu ou de leurs difficultés, mais plus qu'elles viennent mettre en avant leurs compétences, leurs connaissances. Donc depuis maintenant 3 ans, on a fait régulièrement des émissions avec des personnes qui ont soit participé à nos ateliers, je ne vais pas tout reprendre, mais et qui sont venues témoigner sur ce que ça a pu leur apporter, mais aussi sur des personnes qui ont pu s'investir elles-mêmes dans des associations qu'elles ont voulu mettre en valeur ici, des personnes qui sont venues présenter leur talent de musicien, de poète ou autre. Et l'idée, c'est vraiment ça, voilà, de mettre en avant les compétences, les connaissances des personnes dans un cadre relativement agréable et un peu atypique, c'est-à-dire les locaux d'une radio. Depuis 3 ans que La Passe nous accueille dans leurs locaux, donc c'est toujours, on ressent toujours un plaisir de la part, même s'il y a du stress aussi, on ressent un plaisir de la part des personnes qui viennent s'exprimer à la radio. Et c'est aussi une émission d'information, un peu comme aujourd'hui. Aujourd'hui on vient vous présenter nos activités, on vient vous présenter ce qu'on fait, mais on fait aussi d'autres émissions, et il y en aura durant cette année où on vous présente un petit peu les dispositifs qui peuvent exister dans le social, sur Montpellier ou autre. Et on fait aussi des coups de projecteur sur des situations, sur les bidonvilles de Montpellier. On aura prochainement une émission sur la situation des migrants. Donc on a aussi ce devoir un petit peu d'informer, euh, d'informer sur la réalité, comme a pu nous dire Clapas. On est souvent parfois mieux placés que certains journalistes pour venir expliquer la situation. Alors après, on n'est pas des professionnels de la radio, mais on essaye de faire en sorte que ce soit compréhensible et qu'on puisse informer les gens. Donc voilà, donc ce projet, il va continuer cette année. On remercie encore Radio Clapas de nous accueillir sur 93.5 FM. Et donc on a une émission mensuelle, tous les mercredis, de midi à 13h, que vous pouvez retrouver en podcast. Et voilà, donc chaque émission nous nécessite quand même, on ne vient pas simplement enregistrer l'émission, on a tout un travail de préparation avant d'émission. Donc on a un rythme de préparation d'un mois avant. Et voilà, donc vous nous retrouverez encore cette année. Donc cette action, elle est ouverte à toutes les personnes, comme on l'a dit tout à l'heure. Si vous avez des personnes qui ont des sujets à amener, des compétences ou quoi, ben n'hésitez pas à nous contacter, qu'on puisse le mettre en valeur. Donc voilà, donc ça c'est la première activité. On remercie encore Radio Clapas. Et vous nous retrouverez donc tous les mercredis sur les ondes durant l'année 2017-2018. Autre projet qui existe depuis maintenant pas mal d'années, le projet théâtre. Ouais. Je vais te laisser la parole, Manu. Ouais. Projet de théâtre, donc du coup, ça fait quelques années, effectivement, qu'on travaille ce projet. Là, on vient de terminer la semaine dernière, hein, puisque au mois d'octobre, on a enregistré l'émission de radio avec la troupe de théâtre qui a participé à l'atelier. Il y a eu des représentations. Donc l'idée, c'est de travailler avec un théâtre indépendant, du coup, une association, de travailler avec une comédienne qui anime les ateliers. Ce qui est important, c'est vraiment de pouvoir proposer aux personnes de pouvoir se livrer complètement, se lâcher complètement. C'est-à-dire que nous, dans l'idéal, on n'y est pas présent. Tout ça pour pas gêner, pour que les gens puissent se libérer vraiment de manière totale, quoi. Donc ce qui était intéressant cette année, c'est que, enfin, comme tous les ans, hein, ils travaillent sur des représentations. Donc l'atelier démarre, c'est tous les lundis de 14h à 16h. Le nouvel atelier va démarrer le 6 novembre, lundi 6 novembre. Donc, je vous invite, si vous avez des personnes intéressées, je vous invite à venir le lundi 6 novembre à 14h au théâtre Quartier-Gare qui se trouve 23 rue Boyer. Là, on fera une petite présentation du projet. Cette année, donc 2017-2018, ce qui est intéressant, c'est que tous les deux ans, la Fondation Abbé Pierre qui nous finance intégralement le projet, ils mettent en place un festival. Il y a un festival qui a lieu tous les deux ans. Donc, là, en septembre prochain, ce sera à Avignon. Et pour nous, c'est un peu la finalité de cet atelier. Donc, on terminera l'atelier là-dessus. Dans un premier temps, il y aura des représentations qui auront lieu en juin au Théâtre Quartier-Gare. Cette année, on a pu se joindre aussi à un autre projet en lien avec le collectif 17 octobre pour la Journée mondiale du refus de la misère. On a pu jouer là. Donc, les personnes, ce qui est intéressant, c'est que ça venait vraiment des personnes qui viennent participer à l'atelier. C'est eux qui ont décidé de rejouer cette pièce dans le cadre de cette journée qui avait lieu le 17 octobre. Donc, le 16 octobre, on a réussi à trouver un partenariat avec le Théâtre de la Plume à Montpellier. Qu'on remercie, qui nous a accueillis. Du coup, on a pu jouer cette pièce et ça met encore en avant tout ce qui se fait dans ces ateliers. Donc là, pour la saison 2017, ça se termine. On redémarre le 6 novembre, donc je vous invite à venir, du coup, nombreux. C'est un atelier ouvert à peu près combien de personnes ? On va dire que là, en 2017, il y a eu une quinzaine de personnes différentes sur l'année. Et le spectacle, ça a été joué par 4 personnes. Après, les gens viennent dans un premier temps pour découvrir. Ensuite, si elles le souhaitent, elles y restent, elles y restent pas, c'est un peu elles qui décident. Mais c'est vrai que là, cette année, on a eu pas mal de monde, donc ça c'est bien, il y a une nouvelle dynamique qui s'est lancée. L'année précédente, c'était un peu plus compliqué, on avait pas mal de problèmes de communication aussi pour informer. Sauf que cette année, c'est bien reparti, donc je pense que l'idée du projet de partir à Avignon, ça motive pas mal de personnes. Donc il y a pas mal d'anciens qui vont rester, et ce serait intéressant que beaucoup de nouvelles personnes puissent intégrer ce projet, quoi. D'accord. Et d'ailleurs, je remercie de nouveau la Fondation Abbé Pierre. Ouais. Voilà, il faut se rendre compte que depuis des années, cette fondation, elle finance intégralement ce projet, et on leur remercie parce que c'est avant tout grâce à leur soutien qu'on peut le mettre en place. C'est ça. Tout comme la compagnie qui. Compagnie Dorée, ouais, j'ai pas cité. Voilà. Mmh. Et Sandrine qui anime les ateliers, du coup. Voilà, qui était présent d'ailleurs lors de la dernière émission de radio, il me semble. Exact. Voilà. Tout à fait. D'accord, donc le théâtre qui démarre le 6 novembre. 6 novembre à 14h. Lundi 6 novembre à 14h au Quartier Gare, 23 rue Boyer, donc c'est pas très loin de la gare. Et voilà, ceux qui souhaitent découvrir ou venir pour s'informer, vous venez et puis on vous accueillera avec plaisir et vous verrez, après c'est vous qui décidez de rester ou pas, à vous de voir. Donc après la radio, le théâtre, une autre activité qui est en place maintenant depuis un peu plus de 2 ans, par Léa, sur le footing, en lien un peu avec le marathon. C'est ça. Alors, l'idée des entraînements de footing, c'est un peu partie de l'idée de vouloir participer au marathon. Ça fait plusieurs années déjà que la boussole emmène donc les personnes à participer à ce marathon en relais sur Montpellier. Et donc à la base, les entraînements, ils étaient un peu ponctuels avant la participation au marathon. Et depuis l'année dernière et cette année encore, on fait des entraînements réguliers, donc tous les mercredis. Donc l'année dernière, on partait de la Comédie et on faisait les Bordelaises. Cette année, on les fait à deux, donc avec Rémi de l'ARS qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Et on va faire ça tous les mercredis, donc au parc Montcalm à 14h. Et l'idée, c'est que vu qu'on sera deux, on va pouvoir faire un peu des groupes un peu de niveau. Ouais. Pour que tout le monde puisse participer au footing à son rythme. Et après, l'idée de participer au marathon qui est en mars. Au mois de mars. Donc en relais, c'est un relais de 6 participants. Et on fait de 6 à 10 km, je crois. Ouais. On peut aller de 3 jusqu'à 10. Quoi. De 3 pour. De 3 à 10, 10 plus pour les plus courageux. C'est ça. Voilà. Et donc ça débute quand ? Eh bien, l'idée, c'est de le faire débuter le plus rapidement possible, donc sûrement après les vacances scolaires, le 15 novembre, si je ne dis pas de bêtises. Et donc ce sera à 14h au Parc Montcalm. C'est ça, ouais. De toute façon, vous pourrez retrouver sur notre Facebook association, Collectif La Boussole. Alors, il s'appelle encore Collectif La Boussole, voilà. Là, ça va changer. Mais il s'appelle encore Collectif La Boussole. De toute façon, si sur Facebook vous tapez La Boussole, vous allez nous trouver. Ouais. Et voilà, régulièrement, on affiche on publie les affiches des activités, des démarrages. Donc vous aurez cette émission de radio durant tout le mois de novembre qui va vous rappeler un peu toutes ces activités, mais n'hésitez pas à aller sur le Facebook ou n'hésitez pas à nous contacter par mail si vous voulez plus d'éléments sur laboussoledusud@gmail.com, notamment pour le début de cette activité footing en lien avec le marathon qui devrait débuter d'ici 15 jours au Parc Montcalm. Ce qui est intéressant pour le footing, c'est vrai que comme tu l'as dit au départ, on se préparait vraiment pour participer au marathon relais. Mais dans l'idée, c'est vraiment de pouvoir pérenniser cette action et maintenir une activité sportive aussi régulière. Et on a toujours des nouvelles personnes qui arrivent et qui... Oui, que ce ne soit pas seulement pour participer au marathon. Il y a, l'année dernière, je crois que toutes les personnes qui sont venues courir ont participé au marathon. Mais on peut aussi juste participer au footing du mercredi sans vouloir faire le marathon, forcément. Après, c'est vrai que c'est un événement assez sympa. Où il n'y a pas. La course est sympa, ouais, effectivement. Oui, c'est ça. Puis c'est vraiment dans une dynamique de on fait ça ensemble. On est deux ou trois par relais à aller jusqu'au point suivant. Et l'idée, c'est pas de battre tous les records, quoi. Oui, juste de participer. On n'est pas sur le chrono. Ouais. On a déjà fait d'ailleurs des émissions de radio où des personnes sont venues témoigner sur le marathon et sur le plaisir qu'elles ont pu prendre sur cette journée-là. Juste un point un peu technique, il te faut un certificat médical pour les personnes qui participent aux entraînements. Donc on ne va pas forcément le demander au premier entraînement, mais l'idéal, c'est quand même de l'avoir. Et ça revient un peu à ce qu'on vous disait en début d'émission. C'est aussi ce qui nous permet de faire un peu le lien avec la santé. Donc voilà, juste pour faire un lien, du coup, c'est vrai que là, on participera au marathon relais, mais on est en train de voir pour travailler sur un projet avec une autre association qui s'appelle Sport Boulevard, qui fait une insertion par le sport aussi sur Montpellier. Du coup, là, voilà, ils nous ont contactés, on va se mettre en lien avec eux pour peut-être faire une petite course un peu différente que le marathon, mais voilà. C'est un projet aussi, donc on essaie vraiment de pouvoir pérenniser sur l'année, mais aussi pour participer à des actions sur l'année, quoi. Voilà. Et donc, pour rester dans le sport, on a aussi une activité qui est là depuis très longtemps, presque le début de la boussole, c'est l'activité foot, donc qui se déroule tous les lundis de 18h à 20h. Donc là, ça n'aura pas lieu durant le lundi 23 et le lundi 30. On reprend le 6 novembre, donc c'est sur On reprend le 6 novembre. En gros, il y a entraînement tous les lundis, sauf pendant les périodes de vacances scolaires. Voilà. Donc c'est de 18h à 20h sur un terrain au complexe Gramont qui nous est mis à disposition par la mairie de Montpellier. Donc voilà, c'est des entraînements de foot avec tout niveau. On a à peu près une vingtaine de personnes à chaque entraînement. Donc c'est nous, membres de la boussole, qui encadrons l'entraînement. Durant l'année, on participe à des tournois. On a dernièrement été invité à participer à un tournoi à Toulouse. On participe chaque année aussi à un tournoi de sélection pour l'équipe de France des sans-abri qui a lieu sur Montpellier. Mais on est aussi dans un souhait de pouvoir développer des rencontres. Donc s'il y a des travailleurs sociaux sur Montpellier ou Nîmes ou dans les alentours qui ont des projets foot dans leur structure et qui souhaiteraient peut-être organiser des rencontres, ou même des personnes qui... je sais qu'il y a la fédération Montpellier-Rennes de foot à 7, où il y a énormément d'équipes. Donc si des fois des personnes sont à la recherche d'une équipe pour faire un peu un match amical ou quoi que ce soit, nous, on est ouvert à ça. Mmh. Et on est demandeur. Et en plus, on a un terrain de disponible. Et donc voilà, donc là, c'est pareil. On demande un certificat médical pour les personnes qui participent. On invite les travailleurs sociaux aussi au maximum de pouvoir accompagner les personnes. On a la possibilité cette année d'avoir un véhicule 9 places, donc ce qui facilite un peu les déplacements pour amener les personnes, jusqu'au complexe Gramont pour celles qui ne peuvent pas. Donc ça, ben, vous nous contactez par mail, laboussoledusud@gmail.com ou sur le Facebook. Ouais. Manu, dis-moi. Ouais, juste pour le transport aussi, c'est vrai que certaines personnes sont sans ressources et dans ces cas-là, on peut aussi aider les personnes sans ressources si jamais on ne peut pas les accompagner ou les amener. On peut apporter un soutien aussi en ticket de transport pour qu'ils puissent aller faire du foot, quoi, avoir cette activité. Bah, disons que c'est vrai que voilà, le complexe Gramont, on remercie la mairie de Montpellier de nous le mettre à disposition, mais en même temps, c'est super parce que les terrains sont... C'est des beaux terrains, c'est pratique, mais ça fait aussi quand même pas mal d'années qu'on demande à la mairie de Montpellier de pouvoir bénéficier d'un terrain plus accessible pour les personnes, au moins où il y aurait le tram. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas eu de réponse favorable, donc on se contente de Gramont, mais voilà, c'est aussi pour ça que c'est important que les personnes accompagnent, parce que c'est pas forcément simple de pouvoir s'y rendre. Mmh. Donc c'est tous les lundis de 18h à 20h, ça a commencé, pas d'entraînement pendant les vacances scolaires, sinon rendez-vous sur le terrain numéro 12 à Gramont tous les lundis. Une autre activité qui a lieu maintenant depuis 2 ans, qui est animée par Sylvain, qui travaille dans une pension de famille, qui n'est pas là aujourd'hui. Donc lui, il a un atelier d'écriture qui a lieu tous les mercredis, si je ne me trompe pas. Tous les mercredis à 14h30, donc ça a déjà démarré. Ce qui est intéressant, c'est que l'an dernier, il avait fait une émission. Ils étaient venus présenter leur texte. Leur travail. Vous pouvez le retrouver en podcast, c'est d'ailleurs. Ça. Ce qui est intéressant cette année, c'est que là, du coup, on a été sollicité du coup, par Arnaud, qui travaille au Théâtre de la Plume, et qui nous a mis en lien avec une professeure de collège à Moggio. Et du coup, cette professeure intervient dans le cadre de l'atelier d'écriture. Donc c'est bien, ça donne une ouverture, et dans l'idée, ils sont sur un travail de mise en scène. Donc cette prof fait travailler ses élèves sur un travail de mise en scène sur les écrits qui ont été produits par les personnes qui participent à l'atelier. Donc ça fait du lien, c'est intéressant de pouvoir faire ce lien. Donc là, c'est actuellement, hein, du coup, tous les mercredis à 14h30. Donc n'hésitez pas, voilà, c'est un mode d'expression libre, donc c'est pas forcément que par l'écrit, que ce soit en français ou n'importe quelle langue, peu importe. Ouais, ça c'est important. Ça c'est important. Vous n'êtes pas obligé de d'écrire le français, il y a des traducteurs, voilà, c'est relativement ouvert. Ouais. Et donc c'est les mercredis à 14h30. À la Villa Savine. À la Villa Savine, la pension de famille, l'adresse, je ne la connais pas exact. C'est Habitat Humanisme, donc c'est 64 avenue de Castelnau. Parfait. C'est vers un peu après les Beaux-Arts, je ne manque des avis. Vers Saint-Lazare. C'est ça, voilà. Pas très loin. Et d'ailleurs, il y a aussi le projet d'en faire un peu un atelier itinérant, c'est-à-dire de pouvoir tourner dans différentes structures. Donc voilà, c'est Sylvain qui anime cet atelier, c'est pareil, vous pouvez le contacter par mail ou par Facebook, si vous voulez orienter des personnes. C'est tout niveau, c'est de l'atelier d'écriture pour pouvoir exprimer, que vous parliez ou écriviez le français ou pas. Cet atelier, il vous est ouvert. Avant de faire une petite pause, le dernier atelier qu'on va vous présenter, c'est quelque chose qui est nouveau cette année, animé par Anaïs et Thomas. C'est un atelier de permaculture, jardinage permaculture. Thomas, Anaïs, je vous laisse la parole. Donc oui, l'atelier va débuter le 28 novembre à 14h, donc tous les mardis après-midi. Il aura lieu à la Maison du Logement, quartier Arceau, qui nous vont mettre à disposition donc, leur jardin. Tout à fait. Donc a priori, c'est parti d'un constat de terrain de la part d'Anaïs, qui travaille en CADA, donc de personnes du Tchad ou d'Afghanistan, du Soudan. Donc il y a quand même pas mal de personnes migrants qui sont amenées à cultiver la terre et qui sont assez dévalorisées ici après une rupture, après un parcours difficile. Et donc Anaïs a sollicité des subventions donc auprès de les Traps. Amis de Terra Mayre. Ouais, voilà. Donc alors le excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y.

De retour dans l'émission de l'association La Boussole pour la dernière partie d'émission. Donc on vous a présenté, on vous a représenté un peu notre association, l'ensemble des activités pérennes de la saison 2017-2018. Vous pourrez retrouver toutes ces infos sur, sur le Facebook de l'association La Boussole et sinon nous contacter sur le mail laboussoledusud@gmail.com et même sur le site de Radio Clapas. Vous pourrez retrouver des informations et vous nous retrouverez tous les mercredis sur 93.5. On remercie encore Clapas de nous accueillir. Donc pour cette dernière partie d'émission, on vous expliquait qu'on avait à la fois des activités pérennes mais aussi des activités ponctuelles. Donc on voulait vous en parler un petit peu. La première d'entre elles qu'on fait un peu chaque année, c'est la journée du 17 octobre, ouais, qui vient de se dérouler d'ailleurs, du Refus mondial de la misère. Mmh. Manu, tu peux nous en dire un mot ? C'est vrai que, en même temps, c'est vrai que c'était à l'initiative de. On a intégré le marathon relais de Montpellier parce qu'au départ, les premières années, c'était le 17 octobre. La première session, c'était le 17 octobre. C'est comme ça qu'on a adhéré à ce projet qui mêle action citoyenne et sportive, puisqu'on parle aussi de citoyenneté dans nos projets. Donc, ça, c'est important parce qu'on se mélange vraiment à toute la population. Chacun courait avec un t-shirt identique. Donc, il y avait. Voilà, on était tous pareils, quoi, tous communs, quoi. Ce qui était intéressant, du coup, maintenant le marathon a lieu en mars, mais là cette année, on a participé à cette journée aussi du 17 octobre en proposant du coup la pièce de théâtre qui a été jouée en juin, donc ils l'ont rejouée comme je l'expliquais tout à l'heure, et aussi en mettant en avant des artistes qui sont hébergés dans nos structures, donc là c'était de la peinture et du dessin. Et par ce biais-là, c'est vrai qu'avec Anaïs, on a participé à différentes réunions portées par le ATD Carmonde, hein, qui mettre en place cette journée, ouais. Pour mettre en place la journée. Il y a eu une émission de radio qui a été aussi faite par toi, du coup, pour cette journée. Enfin voilà, c'est développer le partenariat avec l'associatif, je vais y arriver, le réseau associatif Montpellier-Rhin. Et c'est vrai que ça permet pour nous de rencontrer d'autres personnes, d'autres assos. Et c'est important pour qu'on puisse se développer et puis proposer des actions un peu diverses. Oui, puis c'est totalement en lien avec notre public sur le refus de la misère. De la misère, ouais. Donc tu parlais du marathon, tout à l'heure Léa nous en a parlé, donc ça c'est une activité aussi qu'on participe chaque année, on va dire. Donc cette année ce sera au mois de mars. Au niveau sportif, on a aussi des concours de pétanque qui sont organisés de temps en temps. Donc ça aussi vous pouvez le retrouver sur le Facebook, dans l'affichage. Après dans l'ensemble des structures, hein, on a nos affiches, à la fois dans les centres d'hébergement, mais aussi là, dans des CCAS, sur les pôles RSA ou autres. Donc ces concours de pétanque, je ne sais pas combien on a eu l'année dernière, je ne me rappelle plus. Alors l'an dernier, il n'y en a pas eu. Ah. Et c'est Farid qui est assez demandeur. C'est pour ça que c'est ponctuel. C'est ça, c'est une fois tous les deux ans en fait. Non, c'est Farid qui, c'est vrai. Ce qui était intéressant, c'est de rendre les gens acteurs, ce qu'on dit depuis le début. Hein. C'est Farid qui souhaitait porter ce projet, qui a été soutenu par Benjamin, qui nous fait les affiches, qui fait partie de La Boussole. Et c'est comme ça que ce projet est né. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a eu de la demande. On n'a pas pu y répondre favorablement pour l'instant, mais c'est toujours en perspective. Je pense que cette année, il faut qu'on se donne les moyens de pouvoir le mettre en place, quoi, parce qu'il y a de la demande. Dans le même style, on a aussi participé à des activités citoyennes, comme je me rappelle, le nettoyage des rives du Lez. Ouais. Il y a deux ans. Donc ça aussi, c'est des projets sur lesquels on peut adhérer. Quand on vous parle d'actions ponctuelles, on fait aussi appel s'il y a des personnes qui écoutent, qui ont des projets un peu de ce type et qui cherchent du soutien ou de la collaboration. Voilà, nous, on peut être ouvert à ce genre de projet parce qu'on sait que ça intéresse les personnes qu'on accompagne. Voilà, les tournois de pétanque, participer au nettoyage des rives du Lez, de la plage ou autre. C'est des actions sur lesquelles nous, on peut arriver à donner du sens et où ça peut être un véritable outil pour nous et puis pour les personnes qu'on accompagne. Donc n'hésitez pas à nous contacter s'il y a ce type de projet durant l'année. Léa aussi, tu avais un projet en lien avec la peinture. Oui, juste avant ça, en projet ponctuel, on a aussi fait les sorties vélo cette année. On en a fait deux. On était parti à une dizaine de personnes avec les vélos de la ville, principalement. Les vélos mag. et du coup, on est allé jusqu'aux plages, partager un pique-nique et revenir sur Montpellier. Et c'était super sympa. Donc voilà, n'hésitez pas, même si vous voulez pas prendre des vélos de la ville. Donc ça, c'est le premier projet. Et ensuite, on a un projet aussi que je voudrais mettre en place avec La Boussole. C'est un projet de peinture, création artistique, dessin, qui engloberait un peu tout. Donc moi, c'est vrai que c'est un projet que j'avais déjà testé, on va dire, sur l'asso où je bossais juste avant. Et en centre d'hébergement, c'est un projet qui avait très très bien marché et qui donne de beaux résultats. Et on aimerait bien cette année le remettre en place avec la boussole, donc pourquoi pas en atelier itinérant sur différentes structures. Mais il nous manque du matériel et des moyens financiers, donc si vous avez... Donc on fait un appel, s'il y a des personnes qui ont du don matériel ou autre pour cet atelier, ça nous permet d'enchaîner. L'idée aussi de cette émission, c'est aussi de ça, de vous communiquer nos actions et puis de faire appel un peu aux personnes qui souhaiteraient s'investir. On a toujours besoin de monde, on a toujours besoin de moyens, que ce soit financiers, matériels ou humains. Donc si nos actions vous intéressent, si ce qu'on vient de vous expliquer depuis une heure, ça vous parle et que vous avez le sentiment que ça peut apporter quelque chose et que vous voulez vous y apporter quelque chose, ben voilà, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à nous apporter votre soutien. La logique de passer de collectif en association, c'était aussi pour avoir une certaine indépendance et pouvoir multiplier un peu les projets comme ça, et puis pouvoir solliciter aussi des dons, que ce soit matériel ou financier. Donc maintenant qu'on est en place comme ça, on a remercié durant toute l'émission la plupart des partenaires qui nous financent, et grâce à eux on peut mettre en place ces actions. Mais voilà, on a encore des besoins. On a essayé de vous montrer que ce qu'on fait, ça peut avoir du sens pour les personnes qu'on accompagne et pour les travailleurs sociaux. Ça m'a perturbé les gens qui rigolent à côté. Donc voilà. Non, ce qui est important, c'est vrai qu'on se développe, que là, plus ça va, plus de nouvelles personnes adhèrent à ce projet. Et du coup, ça demande du temps, de la préparation, de l'organisation. Et des subventions, évidemment, qui vont avec, puisque du coup, si on arrive vraiment à se développer, si on veut se développer, il va falloir qu'on puisse financer peut-être un poste ou des choses comme ça. Donc on fait vraiment un appel, on essaie de répondre aux appels à projets en fonction de ce qu'il y a, on regarde. On a déjà nos financeurs qui sont pérennes aussi, hein, mais voilà, il faut, si on veut se développer, il faut un peu plus. Donc on a besoin de matériel pour ton atelier, par exemple, ou même, je crois, pour l'atelier... Potager aussi. Potager, ouais, dans tous les secteurs. On est ouvert à tout. Si vous souhaitez participer, vous êtes les bienvenus. Voilà. Donc c'était. Et puis comme tu dis, c'est vrai que voilà, la prochaine étape pour nous, c'est de pouvoir aussi avoir un poste financé. C'est-à-dire que je pense que depuis une heure, on vous explique quand même pas mal de choses, qu'on a quand même beaucoup de projets, que tout ça prend quand même beaucoup de temps, que ça a quand même du sens. Donc si des financeurs nous écoutent, bientôt vous aurez peut-être des demandes pour financer un poste. Ça a vraiment du sens. Et si on veut vraiment pérenniser cette action-là, que ça dure dans le temps et que ce soit pas forcément nous qui gérions, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui est important aussi, c'est que les membres du collectif puissent se renouveler, qu'il y ait des nouveaux travailleurs sociaux. Et ça, c'est un réel plaisir, on va dire, ou je sais pas comment expliquer, mais de voir que voilà, on a des nouvelles personnes qui arrivent, qui prennent le relais et qui s'investissent. Donc c'est important de le pérenniser. Et pour le pérenniser, aujourd'hui, il nous faut, on va avoir besoin d'un poste. Donc appel aux financeurs de pouvoir nous permettre de réaliser ça pour continuer ces activités et les développer. Et si je peux rajouter, du coup, ce poste serait du coup pour coordonner un peu cette action, parce que cette action qu'on mène, là, pour l'instant, c'est vrai que c'est nous qui l'apportons aux travailleurs sociaux, mais dans l'idée. Le fond du projet, c'est aussi d'intégrer toutes les personnes qui participent aux actions, qui deviennent vraiment membres actifs de l'association. C'est ça, notre projet. C'est un des objectifs, c'est sûr. C'est l'objectif principal. En tout cas, moi, j'ai envie de dire que c'est l'objectif principal. Mmh. C'est d'arriver à mettre en avant les gens ont des capacités. Ils viennent les partager dans les ateliers, mais du coup, ils deviennent acteurs aussi à travers l'association. Et ça demande de l'accompagnement, de l'encadrement, donc du temps. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin aussi de financer un poste pour pouvoir coordonner toute cette action, quoi. Voilà. C'est ça, la structure de l'association nous l'a déjà un petit peu permis, parce qu'on a des personnes aujourd'hui qui arrivent sur, pas forcément dans le collectif, mais en tout cas sur certaines activités, à prendre une place autre que juste participant. Mais c'est vrai que voilà, le fait d'avoir un salarié de la boussole, ça permettrait encore plus d'aller vers cette optique-là. Donc on appelle les éventuels financeurs ou décideurs à pouvoir nous soutenir dans cette démarche, car elle a du sens, quoi. Voilà. Tout à fait. Et on est prêt à venir vous rencontrer, évidemment. je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Est-ce que certains d'entre vous ont des choses à rajouter ? Non, pas plus. Bon, on va vous laisser sur cette fin d'émission. Manu, tu voulais peut-être ajouter un point ? Salut, parce que ceux qui sont absents, qui font partie de l'association, je vais les nommer. Il y a Sylvain, Sylvain, Benjamin, Rémi, Benjamin, Maëlys et Maxime qui viennent d'arriver. Du coup, Florence aussi qui vient d'être maman, donc on salue si elle nous écoute. Félicitations. Et voilà. Et voilà. Donc on vous remercie. Merci Anaïs d'être venue. Merci à Léa. Merci à Thomas, à Manu et à Julie. Merci encore à Radio Clapaz de nous accueillir sur 93.5. Vous pouvez retrouver toutes les informations. Vous pouvez déjà retrouver cette émission durant tout le mois de novembre, tous les mercredis de midi à 13h. Vous pouvez aussi la retrouver ensuite en podcast sur le site de radioclapaz.fr. Et toutes les infos qu'on a pu vous donner sur l'association La Boussole, vous pourrez les retrouver sur notre Facebook. Collectif La Boussole, et sinon sur nous contacter par mail laboussoledusud@gmail.com. On se quitte avec un son de DJ Shadow et on vous remercie et on vous dit rendez-vous au mois prochain. Au revoir. Picture this, I'm a bag of dicks, put me to your lips, I am sick, I will punch a baby bear in his shit, give me lip, I'ma send you to the yard, get a stick, make a switch, I can end the conversation real quick, I am crack, I ain't lying, kick a lion in his crack, I'm the shit, I will fall off in your crib, take a shit, hit your mama on the booty, kick your dog, fuck your bitch, fat boy dressed up like he's down on and took pictures with your kids, we the best, we will cut a frowny face in your chest, little wench, I'm unmentionably fresh, I'm a man. Yeah, correct. I will walk into a court while they wreck, screaming, yes, I am guilty, motherfuckers, I am death. Hey, you wanna hear a good joke? Nobody speak, nobody get choked. Get the Funyuns, flame your crew quicker than Trump fucks his youngest. Now face the flame fuckers, your fame and fate's done with. I walk Charlie Brown, Peppermint, Patty, Linus, and Lucy. Put coke in the doobie, roll woolies to smoke with Snoopy. I still remain that dick rabbit slacker to spill the wookie. Cause the total of the Thule will murder you friggin' moolies. Fuck outta here. Giving a fuck away. So tell me.